Chapitre 21. Tandis que ces choses se passaient, Henri vivait dans un état de trouble inexprimable. Il sentait confusément, mais sûrement, qu'on ne lui disait pas tout, et qu'il y avait dans l'existence de Julie des parties obscures, où il ne lui était pas permis de pénétrer. La maison n'était pas en pleine lumière. C'était des chuchotements dans les antichambres, des agitations inexpliquées dans le salon. Certaines maisons dans lesquelles tout est uni et placide à la surface laissent deviner, lorsqu'on y est entré, des bas-fonds et des ténèbres qui inquiètent la pensée. On comprend que la pudeur et l'honnêteté y feront naufrage quelques jours. Madame d'Albreuse était, par intervalles, nerveuse, irritée, cassante. Sa gaieté avait trop d'éclat. On y sentait l'effort. Des tristesses soudaines l'abattaient. Elle avait la voix dure, l'humeur inégale. À l'aspect d'Henri, un jour, elle ouvrait les bras. Le lendemain, elle le reconnaissait à peine. Soumis à des secousses brusques et continuelles, le cœur du malheureux jeune homme n'avait plus d'équilibre. Dans ses perpétuels changements, il perdait la confiance, et le sentiment de la confiance est nécessaire à certaines natures, comme l'air aux poumons. Son amour n'en était pas diminué, mais il en souffrait. Il ne connaissait plus le repos, le sommeil le fuyait, la fièvre l'assaillait. Tous ses traits altérés et pâlis portaient la trace d'une grande fatigue morale. Monsieur de Carlepont jugea que le moment de frapper le coup décisif était venu. Un matin, il parut subitement chez son fils en compagnie de Monsieur de Bléré. Il le trouva la tête entre ses mains, l'œil attaché sur un papier couvert d'une écriture fine et menue. À la vue de son père, par un mouvement rapide, il voulut cacher ce papier. « Laisse, » lui dit Monsieur de Carlepont, « cette lettre est sans doute de Madame d'Albreuse. Je ne te demande pas de me la communiquer. Cependant, je viens te parler de celle qu'il a écrite. » Le cœur d'Henri se mit à battre violemment. Il sentait qu'on allait donner l'assaut à son amour. « Mon père, vous savez que je l'aime. » « C'est bien pour cela. Connais-tu seulement la femme à qui tu veux tout donner? Elle est à toi, mais ce n'est rien. Regarde autour d'elle, le vide s'y fait. Elle n'est plus du monde que par reste de liens dont les derniers fils vont se brisant chaque jour. La vie est mauvaise, la femme étant perdue. Tu frissonnes. Il faut donc que tu saches tout. Il y a auprès d'elle un monsieur Desbordes, son oncle, un maître de forge. Tu le tuerais si tu savais ce qu'il est. Voilà le côté de la honte. Tu as le côté de l'intrigue. Un jour, elle a cru que tu étais le fils d'un millionnaire. Ce jour-là, elle a joué à ton profit la comédie de l'amour. Quoi ? Je l'y ai cru ? Ah, vous vous trompez, mon père. Il y a un Anglais qui traverse la maison de Madame d'Albreuse, le matin, à Monsieur David Linsdale, je crois. Demande-lui ce qu'il en pense. Cependant, Monsieur d'Albreuse est au loin. Il se meurt, dit-on. Elle pense alors à t'accorder sa main. Réponds, est-ce vrai ? L'occasion attendue était arrivée, continua le duc. Madame d'Albreuse, ton idole, touchait au but. Donnant, donnant, tu avais la femme, elle avait le nom. Pour sauver sa réputation du naufrage, il ne fallait pas moins que cette ancre solide et forte. De prime saut, tu entrais dans la boue. Henri fit un bond. Sois tranquille. Poursuivit froidement le duc. Je ne t'y aurais pas laissé. Je réponds de toi à ta mère. Henri passa la main sur son front trempé de sueur. Maintenant j'achève, poursuivit le duc. Madame d'Albreuse a mis le pied sur une pente qui n'a pas de limite. Une seule marche descendue, la tâche est ineffaçable. Or, d'autres savent le chemin qu'elle a déjà parcouru. Elle est pleine d'embûches, de finesses malfaisantes, d'habiletés obscures. Tu as fait la compagne d'une louve corrompue et lascive. Marcheras-tu dans son ombre plus longtemps ? Henri était livide. « Je ne vous ai pas interrompu, mon père. Vous ne direz pas que je ne vous respecte pas. » s'écria-t-il. « Je l'espère bien. » À ce dernier mot, Henri joignit les mains. « Ah ! « Vous ne la connaissez pas, » reprit-il. « Je l'ai vue pleurer. Elle m'a dit des choses qu'elle aurait pu me cacher et au-devant desquelles sa franchise a couru. Se peut-il qu'on soit sans pitié pour la faute d'un jour ? Que de larmes tombées de son cœur ? Croyez-vous que tant de sanglots ne rachètent rien et qu'elle ne puisse pas rentrer dans le droit sentier, celle qui s'en est écartée parce que personne ne la protégeait ? Si vous saviez avec quelle ardeur elle aspire au bien, sa seule joie est d'y prétendre. Mon bonheur sera de l'y encourager. » « Laissez-moi me dévouer à cette œuvre sainte. Ma tâche ne sera-t-elle pas bien remplie si je la sauve ?» Tout ce que la passion la plus exaltée peut inspirer de choses folles ou sublimes, Henri les trouva sur ses lèvres. Monsieur de Bléré le regardait doucement. « Quelle jeunesse, quelle foi !» Monsieur de Carlepont laissa passer le torrent. « Je connais l'air et la chanson, » répliqua-t-il froidement. D'autres bouches les ont chantées. Mais j'ai la moustache grise et je ne crois pas aux rédemptions. À Dieu de purifier les âmes, ce n'est pas œuvre d'homme. Tu y perdrais ton innocence, ton amour, toutes les meilleures choses qui sont en toi, sans ôter de son cœur une goutte de venin. Elle a du poison dans les veines, ton idole. Veux-tu que je te fasse son histoire? Elle ressemble à 20 autres que j'ai su. Madame d'Albreuse n'était pas née mauvaise, c'est possible. Mais à coup sûr, elle n'avait pas l'âme courageuse et forte. Un germe de corruption était en elle. Un hasard, l'exemple, le souffle de la vanité, l'air de Paris, que sais-je, ont permis à ce germe fatal de pousser des racines. Aujourd'hui, la plaie est vivace. Rien ne l'arrachera plus du cœur où elle se plaît. Un temps, peut-être, Madame d'Albreuse a commencé par l'amour. L'amour s'en est allé et a déposé un limon de galanterie qui fermente. C'était une femme, ce sera une courtisane. Il lui restera un berlin d'élégance où les novices se prendront. Tu l'as découverte dans un salon, tu la retrouveras au bal masqué. Elle, elle ! Cria Henri. Monsieur de Bléré se leva. Allons, il faut en finir. Henri le regarda tout effaré. Voyons, te faut-il une preuve devant laquelle le doute ne soit plus permis ? Une preuve ? Répéta Henri. Je la demande. Eh bien, tu sauras combien peut cette femme est à toi. Elle, à qui tu es tout entier. Parlez, parlez vite. Essaye donc d'obtenir qu'elle te consacre une soirée. Tiens, celle d'aujourd'hui, par exemple. Je te mets au défi de l'obtenir. Pourquoi ? Qui vous l'a dit ? Comment le savez-vous ? S'écria Henri. Et hors de lui, pas à la faire peur, il froissait le papier qu'il tenait à la main. Ah, tu le sais déjà, et tu n'as pas compris. Cette soirée, elle l'a promise à un autre. Le connaissez-vous ? Pouvez-vous le nommer ? Oh, facilement. Cet autre, c'est moi. C'est vous ? Et si tu peux conserver un doute, attends dans la rue, et que je perde mon nom, si tu ne vois pas Madame d'Albreuse y descendre à mon bras. Henri passa un mouchoir sur ses lèvres sèches. Soit, j'attendrai, dit-il. J'ai cru que tu étais un homme, un jour. Je verrai, ce soir, si tu l'es véritablement, reprit Monsieur de Carlepont. Eh bien, à ce soir, dit Henri. Un temps vint plus tard où jamais Henri ne put se rappeler quelles occupations avaient rempli les heures qui le séparaient du moment où il devait revoir Monsieur de Bléré. La nuit se fit enfin. Déjà, il se promenait d'un pas haletant autour de cette porte que si souvent il avait franchie dans tous les enivrements d'un amour à son aurore. Quel deuil à présent ! Non, répétait-il sans cesse, non, c'est impossible. Pourquoi lui ? Pourquoi ce mensonge ? Pourquoi me tromperait-elle ? Si elle ne m'aime plus, pourquoi descendre à tant de duplicité ? Qu'elle me le dise, j'en mourrai et ce sera fini. Est-ce ma vie qu'elle veut ? Ne sait-elle pas que je lui appartiens ? Elle qui pleurait, elle qui voulait disparaître avec moi. Mentir, elles le peuvent donc, ses lèvres adorées ? Ah, Julie, vous m'avez dit cependant que c'était pour toujours. Et tous ces cris, qui partent d'une âme déchirée par les premiers assauts de la vie, s'exhalaient de la sienne. L'heure s'enfuyait. La porte restait muette et sombre. Un sang moisâtre coulait dans les veines de Henri. Je savais bien qu'on ne la verrait pas, se disait-il. Cependant, il demeurait à la même place. Il était dans cette rue pleine de tumulte et de mouvement comme un loup dans sa cage. Tout à coup, la porte s'ouvrit. Une forme élégante et svelte se montra dans l'encadrement lumineux. C'était Julie. Un voile couvrait son visage. Monsieur de Bléré lui donnait le bras. Un coupé s'approcha. Monsieur de Bléré regarda furtivement dans l'ombre. La portière s'ouvrit et se ferma rapidement. Presque aussitôt, Henri vit passer devant ses yeux deux lanternes flamboyantes qui disparurent dans la nuit. Il resta collé contre le mur. Il lui semblait que tout s'écroulait autour de lui. Une heure après, sans savoir quelle force l'avait arraché de ce lieu d'épouvante, il se trouva chez Monsieur de Bléré. Il n'en sortit qu'après y avoir laissé une provocation conçue en termes tels qu'il était impossible de la refuser. Cela fait, il se sentit soulagé. « Et le plus coupable, ce n'est pas lui cependant, » disait-il. Au petit jour, il se rendit chez Gilbert, qu'il réveilla. « Hé !» dit celui-ci gaiement, « on voit bien que tu ne soupes pas. » Il allait continuer sur ce ton. Le visage décomposé d'Henri l'arrêta. « Ça, que se passe-t-il ? Tu as l'aspect d'un mort, » reprit-il. « Je me bats ce matin et j'ai besoin de toi, » répondit Henri, et lui raconta tout ce qui s'était passé depuis la veille. « Y songes-tu de battre contre Monsieur de Bléré, toi ?» s'écria Monsieur de Lanta. « Oh, pas d'observation, pas de phrase inutile. Puis-je compter sur toi, oui ou non ?»« Tiens, » Madame d'Albreuse, tout entière, ne vaut pas une goutte du sang qui va couler pour elle. Ah, mieux que toi, je le sais. Mais viens-tu ? Je viens, répondit Gilbert, qui s'habilla à la hâte. Henri se tut et se mit à regarder par la fenêtre. Une sorte de résolution farouche et désespérée se lisait sur son visage. Gilbert l'observait du coin de l'œil avec un mélange de pitié et de colère. « Et l'on sait des gens qui jettent les hauts quand on leur parle des amours passagères ?» disait-il, tout en froissant l'un après l'autre les vêtements qui tombaient sous sa main. « La sotte espèce ! Ces amours ont-ils jamais causé de tels ravages ? Ont-ils poussé les amis à se couper la gorge pour des donzelles ? Mais non ! Cela n'est pas poétique ! À ces superbes amants de l'idéal, il faut des passions éternelles, les sentiments qui ne passent pas. Et voilà du premier coup où toutes ces belles choses vous mènent, jour de Dieu ! Parlez-moi des personnes qui riaient, qui partent gaiement pour Asnières. » Il prit son chapeau en fredonnant d'un air où l'on sentait la rage. « J'aime mieux mamie, au gué, j'aime mieux mamie. »« Où me conduis-tu » reprit-il brusquement en descendant l'escalier. « Au bois de Vincennes, hâtons-nous. Monsieur de Bléry y est peut-être déjà. »« Parbleu, nous arriverons toujours assez vite. »